Cours numéro 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fala nazal fi qira'ati hadhihi ar-risala an-nafi'a li al-allama al-imam عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه المفسر المشهور cette نصيحة طيبة pour جميع المسلمين نصيحة qu'il a débuté avec l'importance de s'accrocher à ce din, l'importance de suivre les textes, l'importance de suivre le sunnah, l'importance de donner de l'importance à ce ilm et à أهل العلم. Et la deuxième partie, il a mis en garde contre une fitna azima, et c'est madaris al-kuffar. Pourquoi? Léana, c'est madaris, c'est combattre ad-din. Et si tu veux t'accrocher à ton din et tu veux que tes enfants, ils apprennent ce din, ne les place pas chez les ennemis de ce din. Ça ne va pas ensemble. Comment tu veux qu'un professeur ou un institut ou un centre, une école, ils apprennent à ton fils quelque chose de profitable ou à ta fille quelque chose de profitable alors qu'ils combattent la chose la plus importante, ad-din. Cheikh Saadi rahmatullah alayhi, il a mis en garde kadhalik contre fitnat ad-dunya. Notre but pour nos enfants, ça ne doit pas être ad-dunya. Ar-rizqu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il le qaddar liman yasha bima sha'a azza wa jalla. On doit faire des efforts fi ad-din, ça ne veut pas dire que on donne aucune importance à ad-dunya. Là, lakin ad-dunya, ça reste ad-dunya. Ad-dunya, c'est une étape, ça t'aide à avancer pour l'objectif, al-akhira. Walil asaf, beaucoup de parents, ils ont inculqué à leurs enfants une tarbiya sayyi'a jiddan, annahum, ils leur ont montré à l'avenir, c'est ad-dunya. Faqat. Parle à nos enfants, la plupart des enfants, est-ce que wahid, il va te dire, mon but c'est de devenir un savant de la sunna, mon but c'est d'apprendre le Coran? Qalil. Sauf ceux que les parents, ils ont éduqués avec une éducation à la sharia, à la sunna. Mais la plupart, l'âne, c'est ad-dunya. Pourquoi? Les parents, ils l'ont appris. La réussite, comme on l'a vu dans le cours précédent, pour ses parents, c'est devenu ad-dunya. Iyadam billah. Alors que la réussite, c'est pas ça. C'est pas ça, abadan. Qala azza wa jal, ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara. C'est ça la réussite, si tu veux pour tes enfants. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset du Coran, ou le prophète dans un hadith, alayhi salatu salam, il nous a dit, Azza wa Jal, oh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais attention à ton enfant pour ad-dunya, il ne va pas manger. Abadam. Law tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama razaqa at-tayr. Hakada qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si on aurait tawakkul as-sahih, bien sûr, avec les esbab, ça ne veut pas dire, tu ne prends pas les esbab. Allah, il nous aurait donné comme il donne à l'oiseau. L'oiseau, le matin, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va manger. La nuit, quand il rentre, il a mangé. Il mange, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne à chacun. فأنت أيها المؤمن توكل على الله. الله سبحانه وتعالى يرزق الحشرات والدواب والطيور. الله يدن زانيمو زان سكت وزوازو. شاكين لي دن سون رزق. لا تخاف على الرزق. Ça c'est quelque chose. ولله الحمد. الله سبحانه وتعالى يدن. حتى الكافر لي دن. ما بالك أنت. T'es un مؤمن. Tu fais des efforts. لا تخاف. وفي السماء رزقكم وما توعدوا. لكن fais des efforts في الدين. Les comptes, ça sera sur الدين. من ربك مَا دِينُكْ مَا نَبِيُّكْ. Les trois premières questions fait le qabr, comme on fait hadith al-bara. C'est ça la première étape. Prépare cette première étape. C'est ça l'avenir, al-haqiqi. L'avenir, c'est l'atom. ثُمَّ al-mahshar, ard al-mahshar. Quand on sera tous rassemblés, les comptes, et on sauve le mizan, après sirat, et après jannah ou nar. C'est ça l'avenir, al-haqiqi. Pense à l'étape après sirat. Je vais être où? Est-ce que je vais être fil jannah ma'al mu'minin ou fil nar? Et bien sûr, aqidat al-sunnah, il y en a certains qui sont fil nar, ils sortiront. C'est ça notre avenir, nahnu l'an. On doit réfléchir à hada, on doit éduquer nos enfants sur hada, montrer à nos enfants, attention, cette chose, elle peut te pousser à nar. Ya bunay, fais cette chose, elle peut t'emmener al jannah, c'est la porte de al-jannah. Et on oublie un peu da'iman les choses de dunya. Cette nasiha est nafi'a jiddan. Qala rahimahullah, ikhwani al-muslimin. أحذركم غاية التحذير من المدارس الأجنبية التي لم تؤسس إلا شركا. الشرك حبائل الصيد. Les filets pour pêcher. Ces écoles, ils ont été fondés, c'est comme un filet de pêche pour égarer les musulmans. Pour plus que tu t'en sortes. La taqtar, tu penses que c'est pour l'éducation ou tu penses que c'est pour ton bien. Wallahi, ça serait du bien, il ne donnerait pas de l'argent pour inscrire tes enfants. Un kafir, il va donner de l'argent à un musulman. Prends l'exemple que quand tu sors de l'école, est-ce qu'il te donne du travail si tu appliques ton din? Abadan. Il te harb. Jusqu'à que tu délaisses ton din. Ok, la première étape, il te paye pour que tu avances. Là, il ne faut pas on devienne des arwiya. On atteint ce niveau. On pense que le kafir, il va me donner de l'argent pour que j'éduque mes enfants. Pourquoi tu as colonisé nos ancêtres, l'imam? Pourquoi? T'as colonisé la bourde de din. Donc, quelques années après, des écoles pour nous faciliter. Abdel. Fallem tu assis, hadihi al madaris, illa sharakin, haba'il, pour nous égarer. Qala wa masa'id yastadun biha kullu man ta'allama fiha. Tous ceux qui pénètrent, qui s'inscrivent, qui placent leurs enfants dans ces écoles, ils sont en danger. Pourquoi? Li'annahu, il a confié cet être qu'il aime tant, son fils ou sa fille, à des ennemis de l'islam. Qu'est-ce que tu espères obtenir? Wallahi, des parents, ils ne font pas confiance à certains proches de leur famille par rapport à leurs enfants. Vous avez remarqué, Had? Il a peur que tel cousin il lui fasse des problèmes, il l'emmène à la police, ou il le frappe. Ou, ils ont peur de Had. C'est pour ça qu'il ne laisse pas son enfant aller avec Haoula. Et tu le trouves avec les koufars, il le pose 8 heures, et comme s'il n'y avait rien. Pourquoi? Le premier cas, c'est dunya. Il ne veut pas que son enfant il se brûle, il ne veut pas que son enfant il se fasse frapper. Le deuxième cas, le cœur, ad-din, كثير من الناس, il ne donne pas beaucoup d'importance. قال ويلقونه في هوة الهلاك. الهوة, c'est الحفرة, البعيدة, c'est un trou. Sahih, celui qui place ses enfants en hunak, c'est comme s'il les enterre. A'yadam billah. Bel, si cet enfant il meurt, bi'idnillahi azzawajal, il est min ahlil jannah, bi l'ittifaq. Si c'est un muslim. Si c'est un kafir, il est min ahlil jannah ala sahih. C'est ça le hukm sur les enfants. Si un enfant muslim il meurt, il est fil jannah. Il n'y a aucune divergence. Si c'est un kafir, l'enfant d'un kafir, un juif, un chrétien, kadalik, il est fil jannah. Ala sahih, la vie le plus juste. L'yanna, c'est un enfant, il n'a pas fait de dhamb. Bah, s'il meurt, il est fil jannah. Amma s'il va à l'école, Allahu a'lam bihal. S'il grandit, est-ce qu'il va accepter afkar al-kuffar, il va les mettre en application? Allahu a'lam bihal. Qala wa idha aradtum an ta'rifu haqq al-ma'rifa nata'ijaha al-wakhima wa 'awaqibaha al-dhamima fanzuru halat al-muta'allimin biha. Et c'est vrai, pour savoir une chose, est-ce que cette chose elle est profitable ou nuisible, regarde les gens qui ont testé cette chose. Maintenant les écoles, on sait, nous, elles ont été fondées sur le kufr, sur la laïcité, sur la démocratie, pour combattre l'islam, pour endoctriner les gens, pour éloigner les gens de din. Hada, on le sait. Lakin, même si tu ne connais pas tout ça, regarde le résultat. Wallahi, kathir min al-awlad, surtout arrivés au collège, au lycée, ils ont appris à fumer à l'école. Ils ont appris al-fasad ou al-ijram à l'école. Ils ont appris à voler à l'école. Ils ont appris à se rebeller à l'école. Ils ont appris à insulter à l'école. Kathir minhum. قال فانظروا حالة المتعلمين بها فإنهم لا يزالون في ترد من سوء إلى أسوأ منه. Et ça, يا جماعة, il faut comprendre que كلام الشيخ سعدي il date des années, pas moins 60, 70 ans, 80 ans. Allah a'lam, quand est-ce qu'il écrit cette risale? Minimum 60, 70 ans, هذا الكلام. C'est pas l'état d'aujourd'hui. كذلك الشيخ سعدي رحمة الله عليه, il parle des écoles الأجنبية. Et c'est des écoles de kuffar, lesquelles ils se sont installés dans certains pays musulmans. Hada, c'est jusqu'à nos jours. Les chrétiens, les juifs, ils ont des écoles dans certains pays musulmans pour égarer les gens. Lakin, c'est dans un pays musulman. Dès qu'il sort cet enfant, il est dans un pays musulman. Et ta'ammalou, la gravité, Cheikh As-Sa'di, comme il démontre que c'est grave. Amma, si on parle des écoles d'aujourd'hui, et fi bilad al-kuffar, fa akthar wa akthar. Al-an, kathir min al-mudarrisi, ils combattent l'islam avec tous les wudouh. Et ils parlent de laïcité, ils parlent d'homosexualité. Ils harbent cet enfant. Min kulli jihad. Ce qu'ils appellent l'école laïque. L'haqiqa, c'est l'école du kufr. Qala, li'annaha tanhaju lahum manhajan marsouman ala al-ghaya allati yuridunaha. Et ça, c'est important. Ya akhi, si tu veux placer ton enfant quelque part, on parle, nahnu, même un masjid, même une école de muslimin, regarde al-manhaj. Manhaj al-dirasa. Manhaj al-dirasa, ça veut dire c'est quoi le programme. Il ne faut pas comprendre de tout ce dors, tous ces doros qu'on a fait, cette risala,

le courage, le shaja'a, l'honnêteté, le respect des parents, des anciens. Là, hatta ça, il aura du dhaf fi hada. Khassatan quand depuis plus petits ils sont mélangés, les garçons, les filles, et ils leur font des activités, elles les rend, ces enfants ils deviennent faibles. Ayyadun billah. قال وتسلب أخلاقهم وتتمسك بأهداب أي بمبادئ الغرب المادية. Et c'est ça, eux. Ils veulent nous couper de nos savants. Vous avez remarqué, ils critiquent beaucoup les savants, surtout Ahl al-Sunnah, surtout les salafis. Ils veulent nous couper de hada et attacher nos enfants que leurs exemples ça devienne al-kafara. Surtout avec les sportifs, les chanteurs, etc. Tout ça c'est mukhattat. Ne crois pas que c'est venu hakada. قال وإنها حرية أن تنتجوا جيلا يحيا في عزلة تامة عن كل ما يربطه بدينه وتاريخه المجيد. نعم شيخ سعدي dit si ses enfants ils sont inscrits dans ces écoles, نعم ça va être ça le fruit. إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. Ses enfants ils seront écartés du din, ils seront écartés de leur histoire. Vous avez remarqué que certains musulmans, des enfants musulmans, ils connaissent rien de leur histoire. Et l'histoire de l'islam. L'islam, ça a commencé où? La révélation, les conquêtes, tout ça, ma ya'rifoun shay. Qu'est-ce qu'ils leur apprennent à l'école? Ils leur apprennent que l'histoire des kafaras. La révolution, la révolution, la révolution. C'est ce qu'ils leur apprennent. Ils t'apprendront jamais ton tarikh, que ce soit l'Andalousie ou autre. Abadan. قال فهي دائبة على المحو من أذهان التلاميذ. المحو أي Al-Masih, effacer. C'est ça le but, d'effacer du cœur de ses enfants. Kullu tabi' wasila bi dinihim wa ummatihim. Comme il a dit le Mujrim dans le maqal qu'on a lu. C'est ça leur but. Et Cheikh Saadi, rahmatullah alayhi, il ne connaît pas ce maqal, Allah alam. Il n'a jamais entendu hada. Lakin, son ilm. Et il connaît le kuffar, il connaît l'islam, il sait c'est quoi leur but. Amma nahnu, ce qu'on a lu, nous, c'est un kafir qui a prononcé hada. Wa ila al-ulama ya'lamoun hada. Lianna al-kuffar, c'est ça leur but. Kama qala azza wa jal, wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u. Ça, c'est kalam rabbil alamin. Wa la yazalun. Ça montre l'istimrar. Ça montre que l'harb, il est wasil. Il n'y a pas de coupure. La yazalun. Ils ne cesseront, comme ils ont traduit. Ils ne cesseront, ils ne s'arrêteront pas de vous combattre. حتى يردوكم عن دينكم jusqu'à ce que vous délaissiez votre din. Et n'estata'u, لأن الأمر إلى بيد الله. C'est pas eux qui peuvent t'enlever là. Lakin celui qui fait des causes et ne donne pas l'importance à son din, Allah subhanahu wa ta'ala il le délaisse. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال فهي لا تزال تنفث في عقولهم السموم القتالة لعقائدهم وأخلاقهم. On a cité les versets. لا يزالون يقاتلونكم وتفضي بالعقول الصغيرة إلى الشك والتشكيك والإلحاد. نعم, des doutes dans leurs croyances, des doutes sur leurs prophètes, des doutes sur les musulmans. ولا تزال تنفخ في عقولهم وروح التعظيم لأعدائهم. كذلك, surtout les cours d'histoire, أنهم ils essayent de prendre l'exemple de la colonisation. Colonisation, c'est d'autres, ils ont été injustes, ils ont attaqué les musulmans, ils ont tué, ils ont violé. C'est clair que c'est une injustice. Pourquoi ils sont partis dans ces pays? Prendre leur richesse et tuer leurs enfants, violer leurs femmes. C'est une injustice pure. Dans les cours d'histoire, là, le colonialisme, c'est pour libérer les peuples, c'est etc. Cet enfant, un de ses ancêtres, ils ont subi une injustice. Avec ce système, ils lui font croire l'inverse. قَالَ وَالْإِعْجَابِ بِهِمْ وَالْتَعَبُّدِ لَهُمْ. Et c'est ça le but. الْإِعْجَابِ بِهِمْ. Que nos enfants ils soient impressionnés par Haoula. Vous avez remarqué que l'un, beaucoup d'enfants, leur modèle, c'est les États-Unis. Pourquoi? Il y en a tout le système, les films, les chanteurs, le sport, ils sont attirés par ce pays. Parle-lui du Yémen ou de Al-Mamlaka Al-Arabiya Saoudia ou le Maroc ou l'Algérie. En vacances, à Hyanan, ils ont du mal. قال والإعجاب بهم والتعبد لهم وهذه سلسلة عظيمة من سلاسل الاستعمار. Ça te montre que la colonisation, elle n'est pas arrêtée. Elle est istiamar. C'est pas arrêté. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté, ils se sont retirés. Lakin, l'an, l'istiamar, il est achad. Ce qu'ils appellent l'ulama, al-ghazou, al-fikri. C'est une conquête, ghazou, fikri. Ton fikr, ton cœur. C'est ça l'an qu'ils essayent de coloniser. Et ils ont commencé par les enfants. Il y en a les enfants, c'est les parents de demain. قال يجرون به النشأ المطاوع لهم إلى كل خلق رذيل. Ils vont attirer tous ceux qui sont impressionnés par eux, qui vont les aimer, qui vont les prendre pour modèle, ils vont les égarer. وَيُبْعِدُونَهُمْ عَنْ كُلِّ خُلُقٍ جَمِيلٍ. Et ils vont écarter ces enfants de tous les bons comportements. Wallah al-Musta'an, tu le vois là, cette génération qui a été éduquée عند al-Kafara et qui habite عند al-Kafara, il y a une grosse, très grosse différence avec la génération des enfants des salaf. Wallah al-Musta'an. قال ومدار المدارس الأجنبية لا يمكن إحصاؤها. فالشيخ سعدي رحمه الله cette nasiha, c'est un résumé, quelques pages. والله علم, on est au cinquième cours ou au sixième cours. مهم, c'est très résumé. وإلا les méfaits, ils sont énormes. فنسأل الله أن يوفق المسلمين شعبا وحكومة على مقاومتها والحذر والتحذير عنها بكل ممكن. كأنه يمك النطق بكل ممكن, كأنه يمك حرف الكاف بكل ممكن ينظر اسكي مك حرف أو هذا تستفيد منه أن المسلم لا يقمط من رحمة الله عز وجل. أولا في الدعاء أن الله سبحانه وتعالى ينتقم من هؤلاء الكفرة. Et كذلك في الدعاء أن الله يحفظ أولاد المسلمين. Et كذلك on met en garde الحذر والتحذير. On fait attention nous et on met en garde les autres. On ne désespère pas. Même si le système الآن كثير من الناس يغطروا به, نحن on ne désespère pas. On montre. On conseille. C'est pour ça qu'on a lu cette risala. Enfin, chacun conseille ses proches. Chacun se conseille lui-même. Il fait attention à هذا. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a الحكمة البالغة. والحذر والتحذير عنها بكل ممكن كأنه ينظر هذه الكلمة ونادي وأن يكون لهم من براهين دينهم ما يقاومون به كل شبهة والشك والتشكيك. Et ça c'est important كذلك. On fait attention et on fait des efforts à prendre notre din, surtout العقيدة الصحيحة, العقيدة السلفية. C'est ça qui va nous préserver بإذن الله عز وجل et nos enfants de شر هؤلاء الأشرار, que ce soit اليهود النصارى الرافضة ou Sovia, tout haoula Abdullah, ce qui protégera bi'idnillahi azza wa jal, la cause c'est d'apprendre ton din et à tes enfants. Wa la shak anna hadha min a'zam al-jihad wa afraduhu, na'am. Min a'zam jihad wa afraduhu, na'am. Hadha celui qui veut le jihad. Amma al-ta'ishun de Daesh ou al-Qa'ida Abdullah, les égarés, annahum, ils font plus de mal aux muslimins qu'autre chose. Et ils donnent aucune importance à leur dé. Aucune importance. Le haqiqa, ils sont faibles, ils ont des faiblesses, ils n'arrivent pas à faire ce jihad azim. Et l'ilm, et l'amal, et patienter. Hatta yaftah Allah, azza wa jal. Et ils n'ont pas pu faire tout ça, enfin ils ont choisi la facilité. Faire le fasad au nom du jihad, et ils se font du mal à eux et aux autres. نحن se concentre ala hada, hatta yaftah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-muwaffiq. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال ذلك وكتبه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي, حرره في الخامس ذي القعدة عام 1374. نعم, فهنا على الدات هنا 1374 وانا 1438, فنعم صافي من 60 داني. فالحمد لله انتهينا de cette risala. Et inshallah pour le prochain cours on réfléchira une autre risale à lire ensemble. Alhamdulillah.